Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans EJT Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire réalisé par les étudiants de l'école de journalisme de Toulouse. Pour ce 13e opus de la saison, Emilien et Tristan, présents au Stadium ce dimanche, reviennent sur la victoire du Stade face à Bordeaux. Charlotte retrace la carrière du désormais ex-président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas et ce sont Louis et Paul qui s'élancent cette semaine sur le ring. Il sera question de l'avenir de la star montante du basket international, Victor Wembanyama. Le Stade Toulousain est le nouveau champion de France. La deuxième place pour Yoann Carré. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Toulouse s'est imposé dimanche contre l'Union Bordeaux-Bègles en clôture de la 24e journée de Top 14. Emilien Lacquiez et Tristan Ranea étaient présents sur place pour décrypter ce succès du Stade Toulousain. Alors, la force du collectif toulousain a une nouvelle fois été impressionnante. Malgré quelques erreurs défensives qui ont coûté des points, les enchaînements en attaque étaient d'une fluidité rare. Mais comme toujours, c'est bien le talent individuel des Toulousains qui a crevé l'écran et surtout la défense bordelaise. La ligne arrière avec Retière et Ramos a mis le feu, mais c'est bien évidemment Antoine Dupont qui a survolé la rencontre. On a l'habitude de le voir rayonner, mais dans cette rencontre, c'était réellement lui le patron. Auteur d'un essai et de plusieurs percées héroïques, sa copie était tout simplement parfaite. Mais durant les 40 premières minutes, les individualités toulousaines se sont heurtées à l'efficacité des Bordelais. Il n'est jamais bon d'affronter les Toulousains après leur élimination d'une compétition européenne. L'esprit vexé et revanchard des Rouges et Noirs ne laisse très souvent aucune chance à leur adversaire. On pouvait donc s'attendre à un match à sens unique, mais il n'en fut rien. En tout cas, au moins en première période, comme l'explique Alexandre Rouma. Il faut quand même reconnaître que Bordeaux a fait un gros match, notamment sur toutes les phases de conquête, que ce soit les rucks, sur les molles, ils ont fait un bon match dans l'intensité physique. Bordeaux a été dominé territorialement, mais s'est montré très réaliste. Il a répondu par deux fois aux essais toulousains, et sans le talent de Dupont et compagnie, il aurait même pu espérer rentrer au vestiaire avec l'avantage du score. Ça a été plus compliqué pour les Bordelais en deuxième mi-temps. Un carton jaune pour Biel Biarré et aucun point marqué. Toulouse conserve donc son invincibilité à domicile cette saison. Et oui, encore une victoire du Stade Toulousain à domicile. Ça fait plus d'un an que les Rouges et Noirs n'ont pas perdu à la maison. Il faut remonter au 9 avril 2022 pour voir l'Ulster venir s'imposer ici en Coupe d'Europe. Toulouse cette saison, c'est 15 victoires et 1 nul en 16 matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Une forteresse qui s'était déjà édifiée les années précédentes, mais on sent que cette année, elle est encore plus solide. La gestion des doublons a été bien meilleure, mais on peut aussi souligner le poids des supporters dans ces résultats. C'est d'ailleurs un public fidèle qui continue de soutenir les Toulousains cette année. C'est bien simple, Toulouse depuis le début de la saison, c'est un taux de remplissage de 100% avec en moyenne plus de 20 000 spectateurs par match. Ce week-end, au Stadium, on a encore eu le droit à une rencontre à guichet fermé et quand 33 150 spectateurs se mettent à donner de la voix, ça fait tout de suite beaucoup de bruit. Un accueil auquel Maxime Lucu s'attendait. Ben, on savait qu'on venait un peu en enfer ici au Stadium, voilà, le stade plein, Toulouse qui devait se racheter. Donc voilà, dans l'état d'esprit, on devait ne pas se perdre et on devait se mettre devant eux. Contre l'UBB, l'ambiance était électrique, tout y est passé, hola, standing ovation, chant, bronca, une atmosphère bien entretenue par le jeu, mais aussi par les musiques lancées à chaque temps mort. Et cette victoire dimanche est synonyme de qualification directe en demi-finale du Top 14, un luxe que n'avait pas eu le stade l'année dernière. Tout à fait, Toulouse avait dû batailler jusqu'au bout sans avoir cette chance de faire tourner. À la fin, une quatrième place synonyme de barrage. Un calendrier qui avait coûté cher, très cher aux Toulousains, puisque ces derniers s'étaient inclinés en demi-finale. Et si l'on regarde le scénario de la saison passée, on s'aperçoit que ce sont les deux premiers du championnat, Castres et Montpellier, qui ont accédé à la finale. Avec un match en moins, tout est donc évidemment plus simple. Alors avec cette qualification aussi rapide en phase finale, on peut le dire, toutes les planètes sont alignées pour nos Toulousains. Toulouse va donc pouvoir aborder ces deux dernières confrontations avec sérénité. C'est la grosse différence avec l'année passée. Clément Poitrenneau le sait, en gérant mieux les périodes de doublant, le Stade Toulousain s'est offert le luxe d'une fin de championnat plus tranquille. Ça nous permettra de ne pas jouer ce match de barrage et d'avoir un peu de temps de récupération. Donc les matchs on va les jouer normalement en faisant tourner notre effectif comme on l'a fait depuis le début de la saison en espérant garder un niveau de performance et de résultats élevé. À ce stade de la saison, on sait l'importance de la fraîcheur physique. Face à Perpignan puis à Brive, Hugo Mola pourra se permettre de laisser ses cadres au repos. Ajoutez à cela un match en moins par rapport aux quarts de finalistes et Toulouse apparaît comme parfaitement armé pour aller jusqu'au bout. Demi-finale à Saint-Sébastien pour nos Toulousains le week-end du 9 juin. Le Phénix a également eu du mal à se défaire de Saint-Raphaël. Mené de 9 buts après 18 minutes de jeu, les Toulousains se sont fait peur. Il a fallu au joueur Dandy Elkovic un sursaut d'orgueil pour venir à bout des Raphaëlois sur le score de 33-32. Le rêve européen est encore possible. Bakary Diallo, arrière-gauche du Phénix, croit dur comme fer à leur objectif. Les 4 matchs, on peut les gagner, que si on gagne les 4 matchs, on a une chance d'être 4ème parce que Chambéry et Nîmes jouent des équipes un peu plus hautes sur certaines journées. Donc faut y croire, personne ne va y croire pour nous. Et pour le coup, le TFC, lui, n'est toujours pas redescendu de son nuage. Après sa victoire en Coupe de France la semaine dernière, nos violets n'ont toujours pas gagné. Ils ont signé un match bien pâle dimanche face à Ajaccio et sont revenus de Corse avec un petit point. Score final 0-0. Vous voulez m'en siffler ? Non, pas du tout. Bon, monsieur. Alors laissez-moi faire. Who the fuck is that guy ? Who the fuck is that ? Tout le truc là de PlayStation. Mais je vais t'envoyer à l'hôpital. On est à une semaine de la loterie, l'événement qui va déterminer l'ordre de la draft 2023. Victor Wembanyama, joueur des Metropolitans, est pressenti pour être le choix numéro 1 lors de la draft. C'est une première pour un Français, ce dernier se montre confiant. C'est le moins que l'on puisse dire. Il a confié à l'équipe il y a 2 jours « Je ne m'inquiète pas d'où je vais atterrir, ce sera le bon endroit ». Est-ce que le jeune prodige français a raison ? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Bonjour Paul Grelier et Louis. Bonjour. Gagne-pain, dites-moi, qui veut commencer ? Moi je veux bien. Ok. Eh ben, écoute, je t'en prie. Donc je te le rappelle, hein, c'est 45 secondes pour convaincre l'auditoire. Très bien. Eh bien, moi, je suis pas du tout d'accord avec la déclaration de Victor. Les plus grandes chances, hein, qu'il a d'atterrir en NBA, on rappelle, hein, c'est les Pistons, où il va atterrir avec un autre Français, Killian Hayes, et le jeune Kate Cunningham. Mais c'est une équipe, hein, qui a tout à bâtir, hein, en commençant par trouver un entraîneur, puisque Dwayne Casey est parti en avril. Vraiment, pour moi, c'est la franchise à éviter pour bien démarrer en NBA. Ensuite, on a les Rockets, hein, aussi à 14% de chance pour Victor. C'est une véritable crèche. Si t'es né avant 2000, t'es pas dans le 5 majeur. Alors, certes, il y a de la qualité chez certains. Il y a Jalen Green, évidemment, Kevin Porter Junior, Jamari Smith, ou même Alperen Sengun, hein, le pivot. Mais vraie interrogation aussi sur Ime Udoka. Alors on connaît ses travaux dans le Massachusetts, mais il avait quand même Tatum, Brown, Smart, Horford avec lui. C'est quand même pas rien. Et puis il y a les Spurs. Alors on reste au texte. Wow, terrible. Merci Paul, merci. Vas-y Louis, tu as 45 secondes pour répondre. Oui, alors il faut savoir déjà qu'on parle d'un des plus gros prospects de l'histoire. Hein. On peut pas, un prospect d'une telle gamme ne peut pas espérer tomber dans telle ou telle franchise. Il faut rappeler que dans l'histoire de l'NBA, tous les joueurs dominants sont passés par ces étapes de franchise qui n'étaient pas en bonne forme. On peut citer LeBron, Howard, Shaq ou encore Embiid pour ne citer que, voire même Kevin Durant. LeBron a dû passer 2 saisons avant d'atteindre les playoffs, par exemple. On a Dwight Howard également, qui a attendu 3 saisons, qui a même atteint la finale 5 saisons plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est une étape essentielle pour ce joueur de côtoyer ses franchises assez basses et de bâtir sa greatness, si j'ose dire, et ensuite de construire autour, puisque Wembanyama est assez fort, et c'est une personne avec qui on doit construire autour, en fait, tout simplement. Merci, Louis. Donc du coup, on rappelle les règles, il y a encore 30 secondes de réponse. À toi, Paul. Moi, je voulais juste rajouter juste avant qu'avec les Spurs, hein, la sublime franchise du papy et de Greg Pop, on patauge dans les bas-fonds de la conf ouest, donc autant pas y aller non plus. Non, sur le plan personnel, je rejoins quasiment l'avis de tout le monde. On est sûr, à moins d'une catastrophe industrielle à la Markel Fultz ou à la Anthony Bennett, que Victor va répondre présent sur les parquets américains. Mais l'objectif, clairement, pour Victor en cette première année, c'est quoi ? C'est être bien entouré, je pense notamment au poste 5 et au poste meneur pour l'accompagner, pour éventuellement toucher directement une place au play-off ou au play-in. Car depuis LeBron James, vraiment aucun joueur n'avait été aussi médiatisé. Merci Paul. Ah, c'est dommage. Ah oui. Eh bien, à toi Louis, te reste 30 secondes. Eh bien, moi tout simplement, tu parlais de Détroit. Cunningham, ça fait déjà un bon atout pour Wembanyama pour le rejoindre. C'est un super meneur de jeu qui pourrait très bien fitter avec nos petits Frenchies. Et ensuite, aux Rockets, Udoka arrive. Pour moi, c'est une équipe, du coup, une crèche, tu l'as dit, mais c'est une équipe qui ne va que progresser. Il n'y a que des jeunes. Donc, c'est qu'un bon avenir, je pense, pour notre petit Victor, autour duquel on peut construire. Hein. C'est la première pierre à l'édifice d'une dynastie pour moi. Il se montre juste ambitieux dans sa citation. Et s'il est à la hauteur de ce qu'il prétend et de ce qu'on voit en Betclic et Merci, stop, aucune Louis. Franchise Louis. Posera de problème à sa belle carrière NBA. J'ai été gentil, hein. Un merci petit peu de triche. Hein. Un petit peu triche, mais je te l'accorde quand même, Louis. Alors, qui de Paul ou Louis vous a le plus convaincu? N'oubliez pas de voter sur nos réseaux sociaux. Jean-Michel Aulas a laissé sa place de PDG de l'OL Group à l'américain John Textor, qui a racheté le club rhodanien en décembre dernier. Il est resté président de l'Olympique Lyonnais du 15 juin 1987 au 8 mai 2023. Retour sur ses 36 ans de présidence avec Charlotte Siriez. En 1987, Steffi Graf gagne Roland-Garros à moins de 18 ans. Les Girondins de Bordeaux ont remporté le championnat et la Coupe de France, mais surtout, Jean-Michel Aulas devient le nouveau président de l'Olympique Lyonnais. À 38 ans, il reprend un club qui évolue alors en D2. Il a du chemin à parcourir pour faire de l'OL un grand club. C'est Raymond Domenech, entraîneur de Lyon de 1988 à 1993, qui permettra au club de retrouver l'élite 2 ans après l'arrivée de Jean-Michel Aulas en 1989. L'OL sera champion de D2 cette année-là. 2 ans après leur remontée, l'Olympique Lyonnais regoûte à la Coupe d'Europe, mais Lyon est éliminé en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA par les Turcs de Trabzonspor. Un travail de longue haleine pour Jean-Michel Aulas qui finit enfin par payer. C'est 14 ans après sa prise de fonction et 6 ans après une première finale perdue contre Metz que le dirigeant gagne son premier trophée. Son équipe bat Monaco en finale de la Coupe de la Ligue en 2001. C'est d'ailleurs le seul succès de l'OL dans l'épreuve, malgré 4 autres finales, ensuite donc 2007, 2012, 2014 et 2020. Un an plus tard, donc en 2002, Lyon remporte le premier titre de champion de France de son histoire après avoir renversé Lens lors de l'ultime journée au stade Gerland 3-1. Lyon a également remporté toutes les éditions du trophée des champions de 2002 à 2007. Son dernier succès dans l'épreuve a malheureusement eu lieu en 2012. Une série de victoires qui s'arrêtera en 2008. Et oui, lors de la saison 2007-2008, l'OL gagne son 7e titre de champion d'affilée et Jean-Michel Aulas peut être fier. En 2008, l'OL réalise même le doublé Coupe-Championnat, le seul de son histoire. Mais Lyon n'a plus gagné le championnat depuis. Et du côté de l'équipe féminine, Jean-Michel Aulas a construit une équipe béton. Oui, c'est en 2011 que les Lyonnaises triomphent en finale de la Ligue des Champions. C'est d'ailleurs la première fois qu'un club français monte sur le toit de l'Europe chez les femmes. Aujourd'hui, l'équipe féminine sous l'ère Aulas, c'est 8 titres en Ligue des Champions et 15 fois championne de France. Tout simplement monstrueux. Ce départ a déclenché un séisme dans le monde du sport, mais ce qui est sûr, c'est que Jean-Michel Aulas aura marqué l'histoire du football français. Mesdames, messieurs, prosternez-vous. C'est bien fait. Extraordinaire. Extraordinaire, va bien jouer. Mon objectif prochain, c'est de tout soulever. Ce week-end avait lieu le Grand Prix de Miami, 5e manche du championnat du monde de Formule 1. Un début de saison qui donne des ailes à l'écurie Red Bull, Thomas Bordenave-Lago. Effectivement, Hugo, et les chiffres le prouvent, 5 courses, 5 victoires et 4 doublés. L'écurie autrichienne est tout simplement au-dessus du lot. Max Verstappen l'a encore démontré en remportant sa 4e course de la saison devant son coéquipier Sergio Pérez. Depuis le début de la saison, on peut le dire, il y a Red Bull et puis les autres. Une supériorité qui est le résultat du travail de l'écurie. Oui, et si on doit aussi retenir une autre raison, c'est celle du nouveau règlement technique. Instauré l'an dernier, les ingénieurs de Red Bull l'ont mieux interprété que ses adversaires. La voiture semble s'adapter sur tous les circuits. Une voiture parfaite avec 2 pilotes performants, le résultat ne peut être qu'excellent. Et les concurrents doivent se contenter des places d'honneur pour le moment. Oui, et à ce jeu, c'est Aston Martin et Fernando Alonso qui excellent avec 4 troisièmes places. Une performance qui éclipse Mercedes et Ferrari. Les deux écuries ne sont montées qu'une seule fois sur le podium cette année. Pour les cadors, il reste beaucoup de travail. Rendez-vous dans 2 semaines à Imola pour la prochaine manche. À domicile, Ferrari et les autres essaieront de stopper Red Bull. Cette semaine, c'est Corentin Mock qui va nous animer le traditionnel quiz de la semaine. Et si j'ai bien compris, tu vas nous parler foot. Ouais, je vais vous parler foot, je vais vous parler performance individuelle. On l'a vu ce week-end, Lacazette et Wai dans un match fou ont tous les deux marqué un quadruplé. C'était pas arrivé déjà depuis 2018. Depuis 2000, c'est arrivé que 9 fois en Ligue 1. Est-ce que vous êtes capable de me dire qui a déjà scoré un quadruplé en Ligue 1? Moi, je sais qu'il y a Kylian Mbappé. Ouais, il y a Kylian Mbappé. Contre les Lyonnais. Contre l'OL. L'OL, ça fait mal à deux supporters là. 5-0 pour une victoire 5-0 du PSG. Est-ce qu'il n'y aurait pas Karim Benzema? Il n'y a pas de Karim Benzema. Il n'y a pas de Karim Benzema dedans. Il n'y a pas de Lyonnais d'ailleurs, hein, si vous voulez éviter tout suspense. Cavani? Ouais, il y a Cavani. En 2016, face au Stade Malherbe de Caen, 6-0 la victoire. Ibrahimovic? Même année, face à l'Estac, 9-0. Neymar? Neymar aussi a marqué en 2018 face à Dijon, victoire 8-0. Il fait un Niçois. Il y a un Niçois. Il y a un Niçois en 2018. C'est pas Eduardo, c'est pas lui ? Non, c'est pas Eduardo, c'est un Français. 2018, qui jouait à l'OGC Nice. La victoire face à Guingamp 5-2. Non, c'est pas Laborde. Oui. Non. Il est plus Germain. Non, il est plus à Nice, il joue en Allemagne maintenant. Pléa ? Alassane Pléa, ouais, victoire 5-2 face à Guingamp. Il en reste combien là ? Il m'en reste. Alors là, c'est compliqué en plus, il m'en reste 4. Alors. Et on a. Je vais vous donner les clubs. Donc il y en a un de Valenciennes, normalement celui-là il devrait être. Savidan. Steve Savidan, voilà, pour une victoire face à Nantes, 5-2. En 2001, il y en a un de la JOCR, lui aussi normalement, il est connu. Djibril Cissé pour une victoire 5-0 face à Rennes. Et là, on en a deux plus compliqués. On en a un en 2004 de Rennes pour une victoire 4-3 face à l'OM. Je sais pas si vous l'avez, celui-là, un buteur rennais suisse. Alexander Frey. Alexander Frey, évidemment. Ouais. Et le dernier, je vous avoue que j'ai découvert ce matin. Yes. Il est congolais, je vous le donne. C'est quand même celui, petite anecdote, c'est celui qui avant Luis Openda avait réalisé le triplé le plus rapide en Ligue 1, en 4-43, donc lors de ce match face à Istres. Tu connaissais pas ce joueur ? Je connaissais pas, Wigan 8-0, qui est passé par Lille, Nice, Saint-Etienne, Marseille, Boulogne, Amiens. Bah, je pense que ça va être compliqué, c'est Matt Moussilou. Buteur congolais, je jure que tu le connais, Paul. Personne ne le connaît. Il joue à Lille à cette époque-là, ils avaient gagné 8-0 face à Istres. Donc petite anecdote aussi, Wai est le seul joueur qui a marqué un quadruplé tout en perdant. Voilà, voilà. Le LOSC était un grand club. Voilà, à l'époque où le LOSC était un grand club. Merci Corentin et merci à tous les chroniqueurs pour leur participation à cette émission. Merci à Pierre en régie et on vous souhaite à tous une bonne soirée.